Go. der Ton an. Braquons le projecteur sur l'anonyme pour que place le grand artiste universel. Plaisir, comportement, image, physique, différence. De réseau, de chemin, de maîtriser l'univers et de multiples flux. Profil, découpage, spécialisation, nomination, terme, stage, humanité. Enfin, 15 juillet 81. Le nom propre. Conditions rapides extrapolantes jetées sur eux. Projecteur. Éclat. Lucidité. Trou noir. Thank you. 81. Niveau de valeur. Niveau social. Représentation. Représenté dans l'échelon. Catastrophe. Anachronisme, le nouveau romantisme. Ah, toi, oh, oh, jamais révélé ton négatif. Oh, débile, et ton image, des femmes, et pas. Je recueille. Se développe encore, encore, plus petite et plus habitacle. 11 novembre 81. Répandre. sont gelés au contact de l'un de l'autre. Miroir figé. Reflet noir, le dernier jour. Dernier mot. Avant les glaciations. Tant que tes doigts rougiront. Espoir. Espoir de glace. L'espoir du miroir. Et du phare. Le feu rouge. Phare. Noir. Voix. Contact. Faux contact. Qu'importe. Connexion. Nœud. Fragment. Retenu. Dans. L'espace infini. Fragment de peau. Qui suspend. Organisme. Ton. Morgane. Peuplé. Dépeuplé. Glacé. À briser. Silex. Froidement. Confiture. Dorée. Au soleil. De nos amours. Gélatine. Vaisseau. Danse. Violacé, rouge, bleuté, vaisseau. Vaisseau, sans partance. Violacé, rouge, bleuté. Vaisseau, craquant à la dernière unité de l'organe. Fixe-toi, mer de glace. Et chante de plaisir solitaire. Et sans douleur. 19 novembre 81. Le papier. Glacé. Et grignotons. Date. Palmier de l'histoire. Possession m'intéresse. Posséder. Déposséder. Hibernation. Hibernation. Hibernation. Les glaciations. Les glaciations. Sur papier glacé. papier, glace, page blanche, carré blanc. En ces temps difficiles de l'amour transi, fige-toi à mon image et ne bouge plus. Bonne nuit, amour, groupé. Que battent vos ailes, atterrir. 19 novembre 81. L'œil cap. La coupure. Travaillons au privé avec toutes les armes du social. Halte au mouvement froid, faux pas. Sur les hauteurs froides et éternelles, voir noir, invisible, recouvert par le bon ordre des choses.